Ordinaire pluie d'un matin gris, sur le vent se posent les ailes des oiseaux. Sur terre, des tortues de mer, au nord, au froid des matinées blanches, des hommes emmitouflés de l'air. Au sud, au soleil des peaux tannées, se repose le plus sage aux cheveux mécheux. Ordinaire pluie d'un matin gris, sur le vent se posent les ailes des oiseaux, petits et grands.